T.I. Du ghetto style. Tu peux pas tester. Je rappe pour mon ghetto style accompagné de BDX. Il me défoque et ensuite on te refoque. Toujours au style. Je te présente, c'est le ghetto style. Le gros infraçable, plus réputé de bêtises. Ici c'est la famille, c'est ici. Fais-nous rire, BDX quoi, on a le style, BDX peut pas test, T.I. T.I. avec le style, nous on représente le ghetto style. Le ghetto style, nous sommes des hommes d'honneur, pas des moqueurs. Je rappe avec le style, comme T.I. Je rappe pas de la merde, comme je le dis, pas pour le tram, je frotte. En venant du 50, chez le code. Je suis un joueur de football, pas un joueur de basketball. Tu peux pas me tester B2X au goal. Croquette ta mère. On mange de la baguette. B2X qui aille, on danse pas des claquettes. B2X qui aille, nos potos, tu peux pas test. Regarde-nous bien avant de nous prendre un toffe. Tu peux pas toffe, faute, t'as fait un carton rouge, t'as fait une faute. Doggy style, RND. Tu peux pas.